t'ai cherché, Maria, dans le silence et dans le bruit, à travers le rouge, à travers le noir. Je n'ai pas trouvé ton ombre, mes yeux ont assiégé le ciel, mes oreilles ont séquestré les partitions du vent. Oh Maria, tu n'y étais pas. J'ai ouvert le corsage des fleurs, j'ai crevé le cœur de boutillier. Toutes les plages ont été massacrées. Oh Maria, tu n'y étais pas. Balayer la terre, vaincu la timidité du monde, parti à ta recherche, j'en étais retourné seul. Maintenant, la rose a perdu sa splendeur, le blanc, sa pureté. Maria.